Chez papy, chez mamie, les pires vacances de l'année. Cette semaine, on a maté The Visit et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Qui me fait plus perdre mon temps, bordel de merde? Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à The Visit de M. Night Shyamalan. Plusieurs fois qu'on Ah, ça vous fait rire quand je le prononce. Ah bah oui. Avec moi pour en parler ce soir, Julie. Bonsoir. Sarah, bonsoir. Bonsoir Antoine. Greg, salut. Salut. Et Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de The Visit de M. Night Shyamalan, La Visite, titre québécois, sorti en 2015 de 94 minutes avec Catherine Hahn, Ed Oxenbould, Benjamin Keynes et plein d'autres inconnus à la con. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Elle, c'est Maria Bella Jamison. Je l'appelle Mamie. Et lui, c'est mon papy. Pierre, feuille, ciseaux. On est chez eux pour la semaine. Ah, vous me manquez. C'est super ici. Ça faisait longtemps que je voulais passer du temps avec toi. Je n'ai pas vu ta mamie si heureuse depuis des années. Ici, on se couche à 9h30. Et après ça, il ne faut plus bouger de votre chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était quoi? Mamie? Mais c'était quoi, merde? Je crois que mamie va pas bien. Elle fait un bruit bizarre, mamie, ouais. Papy et mamie font des drôles de trucs. Ah oui, ils font des drôles de trucs, ça c'est sûr. Alors, moi, les miens, ils font pas ça. Hein. Ah bon? Non. Ils sont décédés, merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs? Chef d'œuvre, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Hein. Alors je vais commencer par Greg, tiens, génial. Très bien fait, très bien ficelé. Moi je trouve que l'histoire est vraiment originale. Après, c'est vraiment. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que ça s'est jamais vu, tu sais, genre le film d'horreur filmé par des enfants, tu vois, avec caméra amateur. Ah, je trouve que ce procédé de caméra amateur est vraiment très bon. Du Never Seen Before. Putain, ouais. Ça c'est très bon. Des ouais. Scare jump à gogo, j'adore ça. Trop bien, avec des inconnus, tu sais, avec des acteurs ouais. pas trop connus qui ouais. filment très mal, ouais, qui n'ont aucun problème de batterie dans le caméscope. Non, non, mais là, je me suis fait prendre du début à la fin. Là, je me suis fait emmener, j'ai eu peur. Non, non, là, très bon film. Là, j'ai rien à dire. Bon. Sarah. Bah, moi, j'ai pas détesté. Et bah, moi non plus. Ah, alors explique-nous. Non, c'est globalement pas terrible, pas du tout original. La fin est quand même assez nulle. Mais. Un, j'ai pas eu très peur, donc j'étais fière de moi. Raconte-nous comment tu l'as regardé. Parce que, comme Paranormal Activity, je le regarde en tout petit, dans un tout petit carré au milieu de mon ordinateur, pour pas trop voir les trucs qui font peur. Pour te rappeler l'époque de Winamp. Et franchement, ça marche très bien. Mais bah, je sais pas, je me suis pas ennuyée non plus. Enfin, voilà. D'accord. Julie. Alors moi, je vous trouve très dur. Déjà, j'aimerais juste souligner quelque chose. Attends, c'est non, que non, je l'avais pas vu. Été dur. Hein. Non, non, mais moi, je l'avais vu au ciné en anglais. Et là, je l'ai revu en français pour le podcast. Et il ouais. y a clairement une énorme différence, je trouve, même au niveau du jeu des gamins qui sont très énervants en français et qui sont vraiment hyper cool en anglais. Enfin, en particulier, moi, je l'ai Tyler. Vu en anglais. Surtout, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il joue bien. Ouais, il est vraiment ouais, super. Quand les bien. Phases où il rappe et tout et puis, ça, c'est ah, le vraiment rap, chouette. Trop bien le rap. Ouais. T'as kiffé Greg quand il rappe. J'ai trop kiffé. En tout cas, en anglais, moi, je trouve que le rap passe très, très bien. Je suis d'accord. En français, c'est l'angoisse totale, vraiment. Bah, c'est le truc qui m'a fait le plus peur, hein, personnellement, quand il rappe. J'ai éteint la télé tout de suite. J'ai pas dormi. Moi, le vrai truc qui me pose problème sur ce film, c'est la fin, parce que je trouve ça pas très malin, pas très original, et hélas, on s'en doute un petit peu. Par contre, le procédé, je suis pas d'accord avec tu vous. Tu parles moi, de la tarte au caca, là, les found footage, généralement. C'est vraiment ma hantise. Cloverfield, ça m'a vraiment paru tout pourri, Paranormal Activity aussi. Et là, je trouve que c'est plutôt bien utilisé et assez malin. Que la gamine fasse preuve aussi, enfin, elle utilise les procédés filmiques, etc., elle t'en parle et tout. Je trouve que c'est un postulat assez d'accord. intéressant. Comparé Mickaël. À Paranormal Activity, c'est quand même un chef-d'œuvre. Bah, enfin, déjà, elle s'est un peu mieux filmée que le gars dans. Ouais. Parce que alors, l'autre, c'était vraiment l'enfer. Et mais bon, on n'est pas loin non plus. Hein. Enfin, bon, je vais donner mon avis après, Mickaël. Bah écoute, moi je suis embêté. Je suis tombé sur un film de vacances qui m'a donné le bibliothécaire. Des trucs qui ne me regardent pas. Des gens que je ne connais pas. Ils filment leurs vacances chez les grands-parents. Bah alors, bah, ça ne me regarde pas, je lui ai vite rendu. Hein. Je vais expliquer le problème. Alors moi je l'ai vu pour la première fois là. J'ai un avis sinon. Hein. Là, alors... C'est vrai qu'en fait, maintenant. On oublie. Temps de parole terminé. Non, en fait, j'ai trouvé ça pas si mal. J'avoue que j'ai eu mes quelques petits sursauts. Et d'ailleurs, je suis surpris, Antoine, que tu n'aies pas eu très peur, toi qui sursautes toutes les deux minutes sur Evil Dead. Et là, pour le coup, t'as pas sursauté parfois. Ah ouais, non, mais le truc, c'est que Evil Dead, je l'ai regardé sérieusement. Là, je l'ai regardé en faisant des solitaires sur mon téléphone. Bon, ce qui aide pas. Hein. Mais tu fais encore des solitaires. Tu joues au serpent encore sur le téléphone ou... Oh non, serpent, c'est nul. Non, moi, j'ai vu ce film. J'ai trouvé ça vraiment nul. Hein, je vous spoil tout de suite. Ouais. Je trouve que c'est super mauvais, les acteurs. Tu l'as vu en français ou en anglais? En VO. Mais même les gosses, en fait, les gosses, ils m'ont agacé, mais direct. Même si je dois admettre qu'ils jouent bien, ils jouent très bien les gosses agaçants. la mère, elle est débile. Les vieux, ça a aucun sens. Et il y a un truc que je déteste, c'est qu'en fait, pour son twist à la con, que je vais pas dire tout de suite, mais ouais, il nous ment tout le film. Non, mais en gros, il ment tout le film. C'est-à-dire, ouais, il ment tout oui, le film, c'est ouais. des dingos, mais tu sais, quand t'es dingo, t'es dingo du matin jusqu'au soir. T'es pas normal le lundi, vite fait le mardi. Tout t'es là, pas dingo crescendo pour la scène finale, quoi. Tiens, ça finit quand les vacances, les enfants? Vendredi soir. Bah, vendredi soir, on va vraiment être dingo. Aujourd'hui, on est cool. Ouais, enfin, il y a quand même des moments où tu les. Enfin, on va en parler. Il y a quand même des moments où ils sont un peu dingues en journée quand l'autre il a l'impression qu'il se fait suivre et qu'il agresse le mec dans la rue. Mais ça, c'est déjà le troisième jour. Non mais franchement, il y a. Parfois, ils leur répondent pas. Non mais en vrai, c'est chelou. Hein. Moi, ce qui m'a agacé, c'est que j'ai trouvé. Enfin, vraiment, ça marche pas. C'est-à-dire que putain, au bout de 20 minutes de film, je fais bon, on a compris, ils sont dingos. Est-ce que le film peut avancer quoi? Et là, ils vont être de plus en plus dingos jusqu'au dingo final. c'est très chiant quoi. Tu peux faire le parallèle avec Paranormal Activity, c'est que le fantôme au début, bah il est cool, il est tout gentil. Et à la fin, c'est le fantôme le plus ouf du monde. Mais c'est à la cinquième nuit, c'est pareil. Donc tu sais, t'as tout le temps le même procédé. C'est chiant. Je suis pas d'accord parce que ces deux films n'ont vraiment rien à voir. Je pense qu'il a la. Ah non, mais ça, il a juré sur l'honneur qu'il l'avait pas vu. Il l'a dit quand c'est sorti, il dit Paranormal. J'ai pas vu ça. Non mais... Paranormal quoi? Activité? Non mais pour le coup, j'ai vu le film avec Norman par contre. Et l'autre film là, je vois pas. Mais par contre, moi je suis vraiment pas d'accord avec cette comparaison avec Paranormal Activity parce que je trouve ça n'a rien à voir. Mais je trouve que c'est hyper cool. Non mais dans The Visit, ils utilisent plein d'extérieurs, de trucs. Enfin, le procédé est pas du tout le même. Enfin, ouais, Paranormal Activity, c'est des vieilles webcams dans des coins. C'est non mais attends, non parce que là aussi, ça c'est des trucs qui m'ont bien énervé vers la fin du film parce que tu sais quand qui commence à s'agiter, ça devient difficile de justifier que des gamins vont continuer à filmer. Alors, oui, il pose l'appareil photo sur une table, bam, ça fait pile poil le focus sur la huisson, tu sais, genre ça fait pas le focus sur le verre au premier plan où tu vois que dalle. Bon. Le son est capté nickel. Enfin, vu que ça part en débat direct, moi j'ai un truc que je reproche aussi, c'est que ces mômes, ils imposent la caméra aux grands-parents dès le début. Dans leur narration, elle n'oublie aucun plan important. C'est-à-dire que quand elle dit au revoir à sa mère au train, c'est super bien cadré. Après, quand elle arrive voir mamie, la première fois qu'elle le voit, elle est en train de filmer. C'est le digne du meilleur réalisateur d'enquête exclusive et font tout refaire, tu vois, dans l'impression. C'est pas possible, quoi. Mais c'est dans son personnage aussi, oui, à la petite. Je crois pas. Consciencieuse. Ok, je tiens à te faire remarquer que t'as mis meilleur réalisateur et enquête exclusive dans la même phrase. Il y en a bien un meilleur, j'ai enquête exclusive. Il y a forcément un meilleur. Ok, mamie, c'est génial de te revoir, mais on va refaire le plan maintenant. Mais voilà, c'est ça. Un autre angle. Après, il y a un autre truc, moi je pense, qui joue aussi en la faveur de ce film, c'est que ça se prend pas au sérieux du tout, je trouve, et qu'il y a un degré de comédie qui est assez assis, et du coup. Ce qui rend le twist encore plus inintéressant. Non, mais du coup, en fait, tu peux pas lui reprocher de se prendre au sérieux, puisque en fait, on te dit. Enfin, tu sens qu'il y a un dosage quand même. Quand le petit il rappe avec le contrôleur du train, j'ai compris où est-ce qu'on était. Ah, là, il est vraiment dans le paranormal. Et d'ailleurs, anecdote, Shyamalan avait deux montages du film. Et il les a confondus, c'est pour ça que c'est aussi. Non, mais attends, un montage très comédie et un montage film d'horreur, et il a mélangé les deux pour avoir un juste milieu. Donc finalement, il y a de la logique dans tout ça. Ouais. Chapeau. C'était béni. Donc on le comprend, le film s'ouvre sur un faux docu, mais alors avec des vrais Américains dedans, puisque alors, la mère, tu sens que c'est. Elle a pas gagné les chiffres et les lettres, celle-là. Les chiffres et les lettres. Mais la daronne, elle est limite plus bête que les chiffres et les lettres. Ah oui, Spring Break en fait. En ah oui, non mais c'est impossible. Ah mais c'est ça. Enfin, c'est une grosse bouffe. Alors que ces deux gamins, ils sont super intelligents. Ah, ils font des psychanalyses mutuelles et tout pendant le film, pendant lequel elle fait des concours de t-shirts mouillés à Cancun. Alors, c'est Paranormal Activity filmé par des enfants de 10 ans. J'ai tout de suite fait une flèche en écrivant Enfer parce que putain, mais c'est l'horreur. Mais Antoine, mais ces deux films n'ont rien à voir. Tu les compares. Non, non, mais là, c'est vrai. Critique est complètement injustifiée. C'est d'ailleurs surtout dans les phases de confessionnal. Ça, c'est pas du tout la même ah, chose. Oui, ouais. Jamais vu, du méga jamais vu. Alors, par contre, ça, je dois l'admettre, c'est pas dans Paranormal Activity. Le beatbox avec le contrôleur du train. Ouais. Ça y est pas. Ça, c'est un truc qu'il a rajouté et je trouve que ça renforce pas mal le twist final. Le beatbox avec le contrôleur. C'est nul, hein. Putain. C'est la scène de la totale, en fait, non c'est... Ouais, c'est non, j'ai pensé non plus sur le regard. Alors, alors, dès le début, en fait, il faut. Ah, mais putain, il faut qu'on raconte l'histoire. Oui, tout à fait. Bon, bah, on va raconter l'histoire. Il y a ses enfants et maman, là, et qui, maman s'est disputée avec ses parents, c'est-à-dire les grands-parents des enfants. Et comme ils ne se sont jamais vus, la maman envoie les enfants chez Pépé Mémé pendant qu'elle va à Cancun, ça, tout ça, on l'a dit. Et donc, ils se rencontrent, tout va bien, ils doivent passer une semaine, ils sont très, très gentils au début, et crescendo, crescendo, ils deviennent de plus en plus déglingos, et à la fin, on apprend que c'était des déglingos. Voilà. Le film, c'est du found footage parce que la gamine veut faire un documentaire sur sa retrouvaille avec ses grands-parents. Sa rencontre avec ses grands-parents. Qu'elle n'a jamais vu. Et donc, dès le début, ils descendent du train, donc avec elle et son petit frère, et il y a les grands-parents qui les attendent. Oui. Alors, ça tombe bien, puisqu'il n'y a personne dans la gare, il n'y a que les grands-parents et eux, ce qui va permettre de faire un superbe plan. C'est un peu isolé. Isolé, ouais. Un truc qui me gêne vraiment, c'est quand même quelle mère, quand elle sait que ses enfants n'ont jamais vu ses grands-parents, ne montre pas de photos avant de les envoyer, quoi. Enfin, genre, ça, c'est ton grand-père, ça, c'est ta grand-mère, et quand ils seront sur le quai, tu pourras aller les voir, quoi. Enfin, genre, c'est complètement inconscient. Parce que potentiellement, ils auraient pu aller passer une semaine, tu sais, chez un couple de blacks, tu sais, de 30 ans, pour rien avoir. J'ai vu, c'est fait les beaux gâteaux, là. Oh, la blague. Putain, yes, bienvenue en 1982, génial, avec des imitations. Michel Leb. Bah, bien joué. Et tout à l'heure, on prend les Chinois à Ting Tong. Alors, il y a un truc. On te laisse tout seul, c'est pas du tout. Il y a un te truc fait bien, hein. Qui me fait hurler de rire. C'est que pour filmer la retrouvaille, en fait, dès le début, elle fait « Bon, je vais poser la caméra sur le muret, qui a un focus et un angle incroyable, pour filmer le hug avec papy et mamie. » Et en fait, moi, à ce moment-là, j'imaginais qu'il y avait des lascars qui volaient la caméra. Et toute la fin du film, tu vois des mecs faire des roues arrière sur des boosters. Et vas-y, filme. Ils se filment. « Wow, rire le buzz que j'ai roulé. Vas-y, on fait un peu S. » Non, mais voilà, là, elle loupe aucun plan. C'est-à-dire qu'elle... Elle a vraiment, si c'est vraiment vrai, elle a vraiment une conscience de la réalisation qui est très très forte. Elle ne loupe aucun plan. Ouais, mais c'est ça que la vidéo aux États-Unis quand même. Attends, mais elle te l'explique plein de fois. Hein. Tu sens qu'elle a quand même. Ah oui, non, mais j'ai bien compris. Vous avez bien écouté d'ailleurs, parce qu'elle vous donne plein d'infos sur les techniques de mise en scène qu'on pourrait utiliser dans 2 heures de perdu. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. C'est vrai. Sachant qu'on filme pas. Ceci dit, elle fait un montage, donc il y a forcément des rushs qui doivent pas. Oui. Qui doivent pas être bonnes. On voit le produit final. Ça, c'est final. Pour nous montrer que t'as fait des vidéos, quoi. J'ai vu les rushs, hein, j'ai vu une version de 7h30, la version intégrale. Et alors là, ils vont pouvoir faire connaissance un peu plus avec Pépé et Mémé. Faites-vous du sport ? J'aime pas les sports. Il en faisait. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, alors ? Pourquoi est-ce que tu portes ton pantalon si bas ? Je rappe. C'est une forme moderne de poésie. Tu lui suggères un thème et il va se mettre à improviser sur le sujet. Son nom de scène est T. Diamond Stylus. Vas-y, Nana, propose-lui quelque chose. La nourriture, ça va? J'adore manger. Ouais, bien sûr. Que dirais-tu d'un gâteau renversé à l'ananas? Oui, pourquoi pas. Ok. Ça y est. Okay. Les filles, tout est prise, me voit comme une friandise. Il y en a une qui me voit comme si j'étais du choco. Là, elle s'appelle Lundi. Plein de filles aux longues jambes, me regarde tout ébahie, hein. Alors voilà ce que vous devez savoir sur moi. J'ai plus de rimes qu'il y a d'abeilles à Annelle. Donc j'ai pas été surpris ou confus, j'ai pas dit pour l'amour du ciel. Quand une fille hawaïenne m'a tout simplement dit comme ça, tu me fais penser à un renversé à la nana. C'est la version québécoise. Ouais, c'est la version québécoise, parce que dans la version française, c'est tartatin. Il dit chocolat blanc aussi, mais d'ailleurs, je vous conseille vraiment la version américaine. Non, non, il joue mieux en québécois. Hein. Non, je me suis renseigné, c'est celle-là la meilleure. Hein. Mais t'as regardé les trois, toi, de toute façon, Greg. Ouais, là, je sais pas si t'entends, mais il y a des coupes dans sa voix, là, dans son rap, là. T'entends pas, il y a des. Non, ça a été fait en une fois. Ça, c'est une anecdote aussi. Tous les raps ont été faits en une seule fois. Dans tous les doublages aussi. Hein. C'était les réalisateurs qui voulaient vraiment que ça soit fait en une fois. Donc, il y a un truc qui est très choquant dès le début, mais ça, c'est souvent dans les films américains. C'est que les gamins ils sont en impolitesse totale. Non mais enfin moi avec mes grands-parents je me comportais comme ça, je m'en prenais 4. Bah, déjà moi avec sur chaque coin de la table ils sont attachants quand même. Putain, c'est des gentils gamins quand même. Bah, oui. Ils disent allez, on fait pierre, papier, ciseaux. Non, mais ils sont gentils, mais c'est juste qu'ils sont méga pieds dans le plat. Mais c'est des bons gamins, arrête. Oh. Non, mais avec les vieux, tu sais, ils sont là, genre, ouais, vas-y, fais-moi la tarte machin. Mais attends, mais on t'a jamais vu là, sois un peu respectueux quoi. Non, mais c'est clair, ouais, bah, puis moi enfin, si tu braques ta caméra sur mamie non-stop, au bout d'un moment, mamie, elle va quand même faire bon, qu'est-ce que tu nous fais là? Non mais enfin voilà. Bref. D'ailleurs, mamie, ce qui est cool, c'est que au début, elle a une voix très douce, très suave, et au fur et à mesure, dit, bizarrement, et bah, sa voix va changer. Hein. Ça c'est c'est justement. C'est les terreurs nocturnes. Non mais c'est terrible. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle la folie cyclique, c'est-à-dire que le dimanche ça va vraiment pas du tout, et du lundi, tu vois, ça va monter crescendo. Et là, coup de chance, les gamins arrivent le lundi. Ouais, la folie crescendo. Et si, parce que ça revient toutes les semaines. Tous les lundis, elle est retranquille. Ah oui, ah bon. Ouais, mais là, c'est-à-dire que là, la grand-mère, elle sait faire une tarte renversée, elle sait faire les courses, elle est tranquille. Contre, elle donne des conseils de cuisine. Elle donne des conseils de cuisine. Elle est sympa. Ouais. Elle est drôlement sympa. Elle est douce, elle s'intéresse. Et ce qui va vachement bien avec le twist final, du coup. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut le répéter ? Est-ce qu'on peut le révéler quand même, ce twist final, ou ouais, pas encore ? Moi, ça me dérange pas. Hein. Bah... Ouais, moi non plus. Alors, on le révèle tout de suite ? Bah, à la fin, on voit le fantôme, non ? Mais moi, au début, moi, je croyais que c'était une histoire de fantôme. Hein. Moi aussi, ouais, moi, je me disais, c'est un truc de possession. Parce que, genre, avec la balançoire, au début, genre, attends qu'elle bouge toute seule, la balançoire. Mais c'est ça qui est hyper bien fait, moi, je trouve. C'est qu'on te. Ah, bah non, c'est pas hyper bien fait, c'est un mensonge constant. C'est-à-dire que. Non, mais c'est pour ça que c'est dommage que la fin soit ça. C'est que. Ah oui, bah oui. Ce qui fait que le film est nul, quoi. Non, mais alors, qui explique la fin ? Ouais, moi avec plaisir. Alors Greg, en fait c'est pas ils se rendent compte que ils étaient pas chez les grands-parents mais chez des gens qui avaient des déglingos qui étaient sortis de l'asile et qui avaient tué les grands-parents. En gros, les grands-parents faisaient du bénévolat dans l'hôpital psychiatrique, ce que je fais tous les mercredis également, et parlaient de leurs petits-enfants qu'ils allaient bientôt rencontrer à ces deux déglingos qui étaient des patients. Et en fait, ils se sont échappés, ils les ont butés et ils ont pris leur place. Et apparemment, personne dans l'hôpital ne s'inquiète du fait que les deux ont disparu. Oui. Non, mais ça, c'est quand même et absurde. Personne aussi ne s'inquiète. Bah, si, bah, attends, que fait la police ? Il y a des gens quand même qui viennent leur rendre visite, qui disent on ne vous a pas vu, on aimerait bien les voir. Mais vu qu'il y a les enfants qui disent ils ne sont pas là, on les a vus. Oui, mais là, ils parlent des vrais grands-parents. Mais les deux déglingos, ils ont disparu de l'asile aussi. Mais il y en c'est bizarre quand même. Il y en a qui dit avec ce qui s'est passé à l'hôpital et tout ça. Si, le deuxième qui vient, il explique. Ça va quand même un peu vite parce que, genre, il s'est passé un truc à l'hôpital et le plan d'après, comment ça se fait qu'ils ont pris la caisse ? Ils sont allés à la maison. Ils savent où ils habitaient, ils ont toutes les habitudes dans la baraque, ils savent exactement où et tout. Ah, il y a les gamins qui vont arriver, il faut qu'on aille les chercher. Non, mais n'importe quoi, enfin, tu vois, surtout c'est totalement impossible. Et là où c'est encore du mensonge, c'est qu'entre eux, ils se font des phrases, alors que les mômes sont pas là, ils se font des phrases. J'ai vraiment envie que ça se passe bien avec les enfants, quoi. Ils se font des phrases comme ça, bah non. Bah oui, mais ils sont fous. Mais en plus, ils se projettent comme si c'était les vrais grands-parents. Non, non, mais c'est surtout. Alors déjà, mis à part le fait qu'ils sont pas du tout des déglingos au début du film et que ça va les crescendo, ce qui n'a aucun sens, ils sont déjà même pas des déglingos entre eux. Parce qu'en vrai, même avec ou sans enfants, les deux ils se tapent dessus, ils sont totalement fous. Enfin, déjà, les deux ils survivent pas à deux, quoi. C'est ce genre de la folie, mais en binôme, tu vois. C'est de la folie synchrone et crescendo. Moi, ce que je comprends pas dans ce film, c'est qu'en fait, ils montrent le plan depuis qu'ils sont dans l'hôpital psychiatrique pour prendre la place des grands-parents. Pour tuer les enfants, mais pourquoi ils le font pas dès le début ? Pourquoi ils tuent pas enfants dès le début ? Bah parce qu'ils veulent pas qu'ils veulent aller tuer les enfants. Au départ, ils sont jaloux parce qu'ils ont envie de récupérer leurs petits enfants. Que elle a tué d'ailleurs, plus ou moins. Oui, qu'elle a noyé dans l'étang. Ah oui, dans le puits. C'est vrai qu'elle a noyé ses enfants dans le puits. Ou dans l'étang, je sais plus. Non, dans le puits. Dans le puits. Non, dans l'étang, et le puits, c'est le passage pour aller voir les reptiliens. Ah oui. Mais d'ailleurs, petite anecdote, quand les enfants arrivent et qu'ils regardent les photos des grands-parents, il y a une photo où ils ont la poupée Annabelle qu'il y a dans le film Conjuring. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, petit clin d'œil. Moi, je trouve qu'elle est sortie après Conjuring. Faut attaquer une première. Alors on avance juste, mais moi j'avais fait quand même un point pareil au début, avant que je sache qu'ils étaient fous, hein, puisque en fait c'est indéniable. les gamins, je les trouve super impolis et tout, et surtout, alors c'est encore plus étrange pour des fous, mais les vieux, ils ont une patience infinie. C'est-à-dire qu'ils restent hyper sympas. Il y a personne qui fait bon, tu vas la poser ta putain de caméra là parce que ça commence à être chelou. Et alors, ils vont faire un Skype avec maman. Alors le Skype, c'est en 4K 100 Hz. Hein. Alors il n'y a pas de réseau, tu le captes pas. C'est mais par contre, il y a du gros internet. Hein, parce que alors là, putain, c'est mieux fait que le film. Ils ont un câble Ethernet. Hein. Je sais pas si t'as vu, à un moment, c'est vrai, ils ont un gros câble Ethernet. Le branche. Et plus le câble est gros, plus ça va vite. C'est comme ça. C'est ça les States, mec. Là, hein. Alors maman, elle est en croisière, hein, elle est sur le Love Boat, en train de s'éclater. Et là, pour les petits, ça va être la nuit 1. Nuit 1, je les ai toutes notées. Et là, ils veulent aller chercher des cookies et ils vont tomber sur quoi ? Bah, sur un fantôme dégueulard, comme dans, comme dans je sais plus quoi, mais le fantôme dégueulard. Sixième sens. Sixième sens. Voilà. Il faut quand même préciser que c'est en pleine nuit, qu'ils se réveille en fait en pleine nuit et qui tombe sur la mamie qui visiblement a fait une petite gastro puisqu'elle vomit, mais elle vomit tranquillement parce qu'elle continue à marcher en même temps. Non mais c'est ça, c'est genre elle peut pas vomir normalement parce que même un fou qui vomit, il vomit, c'est-à-dire que tu sais, t'es arrêté sur place et machin. Là elle marche en mode zombie, elle fait elle se vomit dessus, mais personne fait ça. C'est... Va prendre le plus gros des déglingos de l'asile, il vomit pas comme ça. Hein. Ah oui, attends. Alors, je l'ai connu, hein. il faut repréciser. Parce que ça fait un petit stage à Sainte-Anne quand même bientôt, hein, Antoine. Ben, on va voir si le mec de Sainte-Anne il arrive à tenir la semaine avec les deux gamins en étant normal. Attends, je tiens à préciser parce qu'en fait c'est pas juste de la folie synchrone crescendo, c'est de la folie synchrone crescendo et nocturne. Et nocturne. avec poussée nocturne. Ouais. On aura peut-être d'autres adjectifs après, hein, mais synchrone et défendante puisqu'ils vont chacun défendre la folie de l'autre. Culpabilisatrice. Alors le lendemain ils vont faire un cache. Le tapis est nickel, donc elle a visiblement elle l'a nettoyé pendant la nuit. Ah oui, bah par contre, que oui, bah, elle a fait le ménage. Elle est zinzin mais maniaque. Le pic de folie redescend au matin. Ça c'est oui, évidemment qu'en folie nocturne, tac, t'as inversion de courbe le matin et là gros stress de ménage. Alors après les gamins la journée ils vont faire un cache-cache sous la maison. Ouais. Oui. Et là, c'est rigolo parce que mamie elle joue aussi. Oui. Mamie elle fait un peu peur. Méga flippée. Non mais cette scène elle est quand même flippante. Moi pour le coup quand je l'ai vue débarquer ça m'a fait un peu. Bah, on s'y attend un peu quand même. Bah, elle est faite pour être flippante. Il y a des jumpscares dans tous les sens. Ouais. Oui, mais ça marche. De dingue. Ça marche. Et surtout pour l'avoir vu au cinéma, moi j'étais trois fois plus flippée au cinéma que devant mon ordi. Enfin, il y a vraiment une différence de réception du film. Je pense quand t'es dans une salle noire et quand t'es devant ton ordi à faire un solitaire par exemple. Je pense. Bah, c'est assez d'accord mais bon. Parce que ton attention n'est pas. C'est vrai. Non mais tu avais peur d'avoir peur en fait. Moi je dis, c'est moi, c'est que je déteste les jumpscares et du coup, je sors du film volontairement en disant, bon, de toute façon, ce film-là, je m'en bats les couilles, donc j'ai pas du tout envie d'être dedans. Et je sors du jumpscare en faisant un solitaire. Et dès que c'est passé, son procédé de jumpscare à la con, hop, il est fini. Et après ça, je rentre dans le film et là, je peux bien critiquer en disant, ah, qu'est-ce que c'était nul. Alors, ils vont tomber aussi sur la cabane des couches pilotes. Tu as gagné quand même au solitaire, hein, tu n'as pas dit ça. Oui. Parce qu'il faut quand même le dire, tout commence quand même assez mal parce que les deux premiers trucs qu'on voit avec les grands-parents, c'est que les grands-parents disent, il faut surtout pas aller dans le sous-sol. C'est un peu bizarre. Faut surtout pas sortir de votre chambre après 21h30. Et puis il y a une cabane chelou au fond du jardin. Parce que c'est 21h30, c'est l'heure de la folie. Il y a un réveil. Oh putain, on est dingo là. Mais tu sais, c'est vraiment Cendrillon des fous quoi. Il y a une horaire à partir desquels il dégoule une nocturne ponctuelle. Je suis désolée, mais les gremlins, c'est la même chose. Hein. Faut faire attention quoi. Faut juste être délicat. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la cabane, Mickaël? Eh ben, il y a des couches pleines de caca. Il y a des couches pleines de caca. Ah, c'est tout. Parce que le grand-père est incontinent. Ah oui, il faut dire aussi que le gamin, il a la phobie des bactéries. Ça aussi, c'est important. Il n'arrête pas de le répéter qu'il a une énorme... Tu t'en souviens pas ? Si. Ah, il a une énorme phobie des bactéries. C'est lui qui tombe sur les couches pleines de caca. Et je vous annonce, ça va lui retomber sur la gueule. C'est vrai. Moi, je voudrais... C'est drôle, ça. Je voudrais noter aussi un truc, parce que si le vieux déglingo, il est incontinent, je pense que le vieux d'avant qui s'est fait tuer... deux jours avant, il l'est aussi parce que la pile de couches pilotes, elle fait vraiment genre il y en a 2000 quoi. Ou alors il chie énormément. Mais il a un bon transit. Hein. Mais ils ont les problèmes de digestion quand même dans la famille. Hein, parce qu'entre la mamie qui vomit la nuit tout en marchant et puis le papy qui collectionne ses couches de caca. Ils vont faire une petite virée en voiture là. Puis papy va se. Opération coup de poing. Il va s'exciter un peu. Oui. Sur Shyamalan. Est-ce que c'est Shyamalan le gars qui se fait non, tabasser? Il n'y a pas de caméo de Shyamalan dans celui-là. Ah putain, il a pris un mec qui lui ressemblait pour faire un faux caméo pour me tromper. Pourquoi il fait caméo d'habitude dans ses films? Il apparaît dans chacun de ses films. Putain, moi j'étais sûr que c'était lui qui se faisait tabasser là. Et là, au niveau de la réalisation de la petite, les grands-parents deviennent bizarrement plus distants après une ou deux nuits. Une ou deux nuits de folie. Ils deviennent plus distants. Moi, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Mais. Bon, ils sont, c'est normal, hein, on reste un peu plus longtemps avec eux, on se rend compte qu'ils sont un peu plus déglingos. Et là, c'est la nuit 2, alors là, mamie, elle va pas se vomir sur les pieds, elle va faire un truc un peu plus chelou encore. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte. Il est 10h47. Ouvre la porte, Becca. Non, pas question. Ok, continue à enregistrer. Il faut qu'on aille voir ce que c'est. Il y a quelque chose de pas normal. J'ouvre la porte, Becca. Maintenant, je vais l'ouvrir, Becca. Je crois pas que tu devrais. Ça y est, je vais ouvrir la porte. Ah, ouvre-la. Arrête de le dire et fais-le. Thank you. Voilà, derrière la porte, il y a quelqu'un qui scie un bout de chaise. Je crois que tu l'as vu. Non, alors c'est la vieille toute nue qui fait ses griffes. Qui est la vieille toute nue qui gratte comme un chat sur la porte. Là, moi, j'ai écrit sur mes notes à ce moment-là, j'ai écrit effectivement, ils sont très séniles. Ça va pas fort. Ça va pas fort. Donc ça, hein, c'est pareil. Hein, ça c'est un des symptômes de la folie en crescendo. Bah, d'ailleurs, papy explique justement, il y a une explication et papy dit que c'est le syndrome crépusculaire. Donc là, en fait, je retire ce que j'ai dit, c'est tout à fait cohérent. Donc c'est très logique hein, dans un processus de folie crescendo. Normalement, c'est nuit 2, nuit 3, il y a grattage. Ouais, c'est souvent le mardi ou le mercredi. Voilà. Et après, jeudi, vendredi, on va le voir. C'est plus à base de couteau. Mais ouais. Avant, c'est avec les griffes contre la porte. Ouais, moi, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de Reddit de vomi, parce que ça, c'est toujours un peu flippant, les mecs qui marchent en vomissant. Hein. Ouais. Bon, après, c'est bien, hein. Alors, la webcam, elle est cassée. Maman, de toute façon, elle est complètement conne. Donc, ouais, la webcam, elle est cassée. Mamie a cassé la webcam, plutôt. Oui. On peut le dire, quand même. C'est vrai. Mais en plus, elle toujours... va... Non, mais t'es suspicieux, Julie. C'est ça, le problème. Et alors là, ça, c'est la fameuse scène traumatisante du four. Ouais. Tu le vois pas du tout venir à Enzel mort et le truc du four. Hein. Ah, il faut savoir que le four... Non mais attends. Moi je veux juste faire un point là-dessus parce que elle est pas encore dans un méga syndrome de folie menaçant. Elle demande juste à sa fille, tiens nettoie, vas-y, nettoie dans le four. Mamie, j'ai pas traîné dans le four. Allez, nettoie dans le four. Genre elle insiste un peu. Non mais mec, tu vas dans un four, bah clic droit, t'es fringues à la poubelle quoi. Non mais mec, tu vas dans un four, c'est foutu. C'est quoi, le clic droit, enfin, c'est pas les fours. Corbeil. C'est pas les fours de ta vieille maison de campagne. C'est un four quand même assez récent, non? Ouais, bah c'est, il est propre ton four, Julie. C'est vraiment profond comme ça un four parce qu'on a l'impression qu'il fait 3 mètres de profondeur. On est au States, Barbara. Alors, il faut savoir que tout est plus. Dans tous les cas, sky is the limit, au Barbara. Oh putain, Barbara. Wow. Merci Antoine. Excuse-moi. Je reviendrai. Non mais pour répondre à Sarah, c'est vrai, en fait, il faut savoir qu'au pire si elle avait c'est été enfermée, manque. Au pire, bon ça va, je peux terminer, ça va. Au pire si elle avait été enfermée dans le four, elle aurait pu ressortir dans la salle de bain. Oui, en fait, de l'autre côté. Parce que du coup le four traverse toute la maison. Aux États-Unis c'est comme ça. Hein. Bah oui. Ouais, non et donc toi cette scène elle t'a pas plu. Non, ça ouais, me gêne. Bof, hein. Non, mais ça me gênait un peu, mais en fait, je me suis dit, bon, alors là, c'est clair et net que c'est un truc avec le four et qu'à la fin, il va y avoir un méga truc avec le four, parce que ça, tu le vois, et donc à partir du moment où ça. Et je trouvais ça un peu long, et puis je trouvais ça pas logique que la fille aille quand même dedans. D'accord. Moi, je trouve ça assez bien foutu. J'ai bien stressé. Oui, moi, je me suis dit qu'elle allait la faire. Non, par contre, c'est un peu stressant, mais. Il n'y a pas d'ouvert. Enfin, tu peux sortir d'un four. Hein. Si t'es dedans, t'es pas enfermé, c'est pas fermé à clé. Si quelqu'un bloque la porte, à mon avis, ça dépend. Ouais, il faut avoir quand même de la force. Il faut avoir la patience de bloquer pendant le temps de cuisson. Ouais, alors, Thermos 4, 40 minutes. Ouais, c'est vrai. On va faire un point aussi sur les vieux, mais. Enfin. Autant le vieux, il est un peu flippant, autant la vieille, franchement, tu la pousses, elle tombe quoi. Enfin, bah, tu c'est vois ce qui se passe à la fin. Hein. À mon avis, elle agit quand même. Elle fait quand même un peu flipper là, parce que quand elle arrive, un moment, elle fume sa cigarette et il y a sa petite fille qui arrive et elle lui fait Hi, honey. Elle est terrifiante quand même. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est déjà jour 3. Parce que jour 1, ça se serait pas passé. Et puis comme quand ça. Elle court les mains dans le dos, moi, je trouve ça extrêmement drôle. Qu'elle vomit du verre. Alors, c'est la nuit 3, effectivement. Mmh. Et la nuit 3, ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc que font beaucoup de fous. C'est-à-dire, ils ne font aucun bruit. Et après ça, ils passent à toute vitesse dans le couloir. Alors, mais sans faire de bruit, pour vraiment pas que. Je l'ai fait d'ailleurs pour faire peur à quelqu'un depuis, c'est très très très efficace. Alors, il faut passer à poil en courant, les mains derrière le dos, donc je pense que c'est le meilleur truc pour tomber et te faire très très mal. Mais en accéléré, parce qu'elle passe en accéléré. Hein. Oui, il faut passer. Elle est à poil ou elle est en chemise de nuit? Non, elle est en chemise de nuit. Elle est souvent à poil quand même. Elle est en chemise de nuit, puis après elle passe à quatre pattes. Ouais. Après, je sais plus à quoi je fais référence, mais j'écris il se pisse dessus en se tapant la tête contre la télé. Il passe pas en mode fantôme. Tu parlais de toi peut-être. Non, ah oui, non, c'est ça. Non, pardon. Ça y est, j'ai compris ce que je voulais dire. Non, en fait, c'est ça. Je voulais dire qu'un vieux dingo, au lieu de passer comme ça en mode fantôme dans les couloirs, bah, il se pisse dessus en se tapant la tête contre la télé. Mais voilà, c'est pour ça que c'était pas dans le film, effectivement. Ouais. Alors, la journée, les gosses, bah, au lieu de se dire bon, bah maintenant, il faut vraiment qu'on commence à faire quelque chose, puisque. Oui. Ils n'ont pas du tout noté aussi un crescendo dans la folie. Hein. Eux, ils ne voient rien du tout. Le petit garçon, quand même. Il dit là, quand même, Becca. Mais oui, c'est sa sœur qui lui dit essaye de ne pas affoler maman, elle est loin, machin et tout ça. Mais c'est lui qui crache le morceau quand c'est même. Vrai. Mais ils vont quand même faire une interview entre eux, un confessionnal, tous les deux. Ouais, ça c'est bien. Psychanalyse. Psychologie 2000. Et alors, c'est long. Hein. Oh là là. Bon, avec un truc où ils vont tu vois, ils vont chacun trouver la ils vont chercher talon frapper, d'Achille de leur partenaire. Et c'est la faille depuis que leur père les a quittés. C'est vrai. Et là, donc... ça se tape up parce que là, on est jour 4. Et là, maintenant, ils sont barjots même le jour. Ah oui, alors qu'ils étaient pas oui, parce que là, il rentre dans la maison et la vieille, elle est sur sa chaise et elle rigole toute seule. Et ouais. là, j'ai écrit sur mes notes. Serait-elle folle? y aurait-il un problème? Donc là, voilà, aucun sens. Hein. Donc là, elle est déglingo contre le mur, en rigolant. Puis nuit 4. Ouais. Il décide de laisser une caméra qui tourne dans la bibliothèque en bas. Ouais, ouais. Avec vision nocturne, focus parfait. Voilà, c'est pareil, je pense que toi tu laisses ta caméra là. Bah, il se passe rien. Il faut avoir de la batterie aussi. Hein, ouais. Et apparemment, soit elle était très mal cachée, soit la grand-mère est très très maline. Ouais, elle est maline. Ouais. Parce qu'elle reste pas longtemps cachée la caméra. Elle est maline et en plus, c'est pareil. Hein, je crois qu'elle a un animal qui vit dans son corps parce qu'elle fait un cri de lion et, ouais. Mêlé à un cri de pivert et d'humain pour quand elle va chercher la caméra. Bon, c'est assez étonnant. Et c'est en plus, tu sais, c'est pareil. Elle prend un schlass. Là, elle fait un jumpscare à la caméra. Enfin, tu vois, mais qu'est-ce qu'ils font là, enfin, tu vois, bah, elle enrichit le film de sa petite fille. C'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est au moment du dérush. Oh yes, Simmer Mamie, j'ai vu ce que t'as. Jumpscare mortel. Elle se dit putain, le film il est quand même méga chiant. C'est des vieux toute la journée. Un peu de piment. Oh yes, je vais pouvoir l'exploiter pour un autre projet. Trop bien, Simmer Mamie. Alors Stacy elle disparaît parce que alors là je sais pas si vous venez mais ah oui. Stacy est venue enquêter. C'est une voisine qui se demande ce qui se passe et ouais. qui se rend compte en fait que bah c'est pas le bon couple de grands-parents et au lieu de s'enfuir d'aller prévenir la police ils lui font aller viens Stacy non mais viens on va t'expliquer t'inquiète il y a pas de souci. J'avoue ça fait un peu lascar ça. Vas-y mais viens non mais viens franchement viens qu'est-ce que tu fais oh. Et après bah on la voit rentrer dans la maison et on la voit pas trop ressortir. Ils sont partis en forêt ou pas encore là? Enfin, en forêt. Pas encore. Non, pas encore. Hein. Pas encore. Le. Si. Ah si. Ah, si, oui, il y a eu la balade avec le puits. Avec et le tout. Puits où elle mais fixe. Bon. Ça aussi, c'est important de le dire quand même que la fille elle fixe le puits et que l'autre il commence à dire que quand il bossait à son usine, il a vu genre des reptiliens et des extraterrestres aux yeux jaunes. Non, oui. C'est un peu inquiétant ça. Ça c'est pareil, ça aurait peut-être dû leur mettre la puce à l'oreille quand même, le coup des reptiliens. Et il y a surtout, la scène où j'ai le plus ri dans le film, c'est quand le petit gamin imite la grand-mère à la caméra et qui court, qui fait des entrées, des sorties de champ avec les mains dans le dos. Et qui limite sa grand-mère. Moi, il est pas à poil par contre. Non, il est pas à poil, mais moi ça m'a fait mourir de rire quoi. Enfin, je le trouve vraiment non, très drôle, ce gamin. Enfin, le gamin est pas mal. Après, il y a l'interview où la fille va interviewer sa grand-mère et la grand-mère, elle va lui raconter une histoire, mais faut s'accrocher. Ouais. Là, franchement, moi je fais même pas semblant. Je fais bon, on arrête. Je vais éteindre parce que tu vois bien qu'on gagne on gâche de la batterie là avec tes affaires. Non, mais elle lui raconte un truc du style. C'est l'histoire d'un enfant qui va au marché, qui achète du Schweppes. Et là, globalement, les grands-parents sont barjoux 100% du temps. Ouais, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais de temps en temps, ils ont des petites. Je sais pas comment on pourrait appeler ce syndrome. De temps en temps, ils reviennent sur Terre pour dire aux enfants avec une voix tout à fait normale. Mais ça ne va pas bien, les enfants. Vous avez l'air tout bizarre. Vous agissez bizarrement. Et là, à 21h30, vous vous couchez, parce qu'attention. Hein. Une minute, ils redeviennent normaux et ils font des trucs comme ça. Et alors, c'est pareil, pendant l'interview, la vieille déglingo, tu sens qu'elle est méga instable. Et la fille, au lieu d'arrêter, elle le fait que lui poser des questions qui la font monter grave en tour. Mais mamie, comment ça s'était passé avec maman? Non, mais vas-y, donne-moi une réponse. Les Français attendent des réponses. Mais d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est quand même, c'est que c'est pas la mamie, c'est pas la vraie mamie, puisqu'elle s'est fait assassiner par la mamie Zinzin. Et elle réagit quand même comme si c'était un. Eh ben, écoute, elle prend le rôle du personnage. Elle le fait bien, tu vois, elle se met vraiment dedans. C'est pas comme dans les films français. Mais c'est surtout qu'elle lui demande ce qui s'est passé avec ses enfants et que l'autre, elle a noyé ses enfants. Donc clairement, elle a pas envie d'en parler, je pense, la mamie Zinzin, là. Ouais, bon, ça la soulagera peut-être de se confier un peu, quoi, putain. Alors là, c'est l'heure du Skype, c'est l'heure du twist. Et en plus, Nana se promène la nuit avec un couteau. Et papy, lui, qui avait un fusil dans sa bouche. Tyler. Je croyais qu'il voulait se faire mal. Becca, Tyler, mes chéris, il faut que vous m'écoutiez attentivement. Becca, Tyler, écoutez-moi. On t'écoute. Ce ne sont pas vos grands-parents. Qu'est-ce que tu dis là, maman? Mais où sont Nana et Papy? Vous êtes restés avec ces gens-là toute la semaine? Le service de police de Masonville. répondez. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On arrive tout de suite, mes chéris. Ça, c'est pas de bol parce que le service de police il va pas décrocher. Ouais, c'est dommage, hein, parce que ça aurait été plus simple. Hein. Ça aurait été bien pratique, tu sais, genre le film il se termine là-dessus. Bonjour, allez, on va rentrer à l'asile, les fous. Non, mais là, c'est surtout qu'il y a, il doit y avoir d'autres commissariats autour. Enfin, peut-être que tu peux appeler les autres villes alentour. Non, c'est les States. Non, c'est centralisé là. Je dois quand même admettre que son twist fonctionne un peu. Moi, j'ai trouvé ça cool. Si je dois bien admettre un truc, c'est que le twist est cool. Mais on s'y attendait. Pas venir. Mais non, mais moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Tellement, on te ment pour que tu vois pas ça, je m'y attendais pas, moi. Je pensais que c'était des fantômes, moi. Ouais, moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus space. Ah oui, non. Parce que aussi, je pense que le passif du réalisateur te crée des attentes. Enfin, le mec, il a fait signe. C'est celui qui a fait les fantômes. Il est pas Normal Activity, non, aussi, non? Non, quand même. Ça n'a rien à voir. Après signe. Sixième sens, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, justement, j'ai bien aimé que ce soit pas paranormal, que pour une fois, voilà, il y a une explication très rationnelle, et justement, ça fait assez flipper que ce soit rationnel. C'est pour ça que, franchement, je te jure que quand il y a eu le twist, ça a fonctionné, j'ai trouvé ça vraiment bien, en fait. Et putain, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout, alors que quand tu... Du coup, t'as lâché ton solitaire. Putain, c'est carrément évident. Oui, mais j'avais gagné depuis une heure, déjà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'en fait, il a utilisé son salaire de After Earth, qui est vraiment genre une daube qu'il avait fait juste avant dans un film de science-fiction qui n'a pas du tout marché, mais qui avait un énorme cachet, pour faire ce film-là, où en fait, sur ses derniers films, il n'a jamais eu le dernier mot sur le montage du film, le director's cut. Et il voulait vraiment regagner cette indépendance artistique en faisant The Visit. Alors vous, ça ne vous a pas plu, mais lui, en tout cas, je pense qu'il est content de pouvoir signer ses films comme il veut. Wow, bah, je suis content qu'il soit content. À l'origine, il avait prévu un twist où en fait, c'était le gamin qui voyait des morts. Il s'est dit, ça rappelle peut-être le premier film. Alors, la dernière nuit, ouais. C'est... Ouais, la dernière nuit. C'est c'est la nuit. Alors évidemment, j'ajoute ça aussi à la folie, c'est que leur rapport de folie est très lié au climat, parce que là, c'est l'orage. Ouais. Ah, et alors là, c'est comme les rhumatismes. Hein, ça leur file un coup de speed. Hein, là, ils sont. C'est la nuit caca vomi là. Hein. Ouais, mais. Alors là. 100%. Avant le caca vomi, c'est l'IAT. Hein. Il joue vite. Hein. Moi, je peux dire que j'ai joué avec mes grands-parents au IAT, ça va pas à cette vitesse là. Hein. C'est la partie la plus flippante de IAT du monde. C'est hyper drôle, moi. Putain, la petite partie de dé tranquille. Yatsé! Mais en fait, déjà, on comprend pas pourquoi ils restent les mômes, parce qu'ils pourraient se barrer. Bah oui, ils auraient dû se barrer depuis. Mais il y a rien autour. Ouais, ils vont où? Ils courent dans la campagne. Ils vont à la gare. Non, mais tu cours dans la campagne, tu mets un coup de poil. Enfin, tu vois, t'as déjà vu mamie dégueuler à Walpé, grimper les murs avec un couteau. Là, tu vas te dire, bon, ok, bon, c'est la dernière nuit, vas-y, on fait un petit effort, on reste quand même. Bah non, tu te barres. Et surtout, c'est là où ça va pas, tu vois, c'est. Bon. On est quand même en danger de vie ou de mort, mais on va continuer de filmer correctement, tu vois. Non. On va continuer de filmer correctement et on va aller faire un petit tour à la cave. Exactement. Et en plus, avec la caméra en filmant tout, quoi. Non, mais moi, je descends à la cave pour vérifier un truc. J'y vais pas en mode caméra au point. Genre, bon, c'est le plus important, c'est que je fasse un docu de cave quand même. Et là, dans la cave. Qu'est-ce qu'il y a dans la cave? Bah, y a les photos des vrais grands-parents. Ouais, il y a aussi les vrais grands-parents. Il y a aussi les vrais grands-parents. Derrière, du coup. Ils dorment bien tranquille. Ouais, ils sont tranquilles. Et là, il y a une baston dans la cave. Alors, pour le coup, là, c'est pratique qu'elle filme avec la caméra parce qu'on comprend rien. Donc, on sait pas ce qui se passe. Ouais. On comprend vraiment que dalle. Entre elle et le grand-père. Genre, ils sont bloqués par une bibliothèque. Mais qui a déplacé la bibliothèque? Pourquoi t'es derrière? Ou alors, il est vraiment con au point de. Il est derrière là, je peux pas y aller. Bon, je comprends pas bien. Ouais, elle perd pas sa caméra parce que papy réussit à la rechoper. Il va l'enfermer dans une piole avec mamie. Dans la chambre avec mamie. Ouais, dans la chambre avec la caméra. Mais ça n'a aucun sens. Dans le noir. Putain, comment il arrive cette opération? Mais il a qu'à la tuer tout de suite, putain. Plutôt que de la foutre. Mais ils sont ma boule. Ouais, ils sont ma boule. Ouais, mais tu peux pas tout expliquer, tout excuser comme ça. Ils sont ma boule. Et l'idée smart, c'est évidemment de faire des 1 vs 1. Comme ça. Et chacun avec sa caméra, tu vois, comme ça permettra de faire un montage en duo. Alors, moi, il y a un truc que j'ai trouvé cool aussi, c'est avec mamie dans la piole, c'est que tu sais, elle se planque sous le lit et tout, ça j'avoue, c'est un peu flippant. Bah là, et à ce moment-là, je me dis, ok, franchement, je préfère être avec papy. Et après, avec papy. Et là, non, en fait. papy, il est un peu scato. C'est pas fou non plus. C'est pas cool non plus. Ouais, les tartes au caca, là, qu'est-ce qu'il fait, papy? Alors, raconte-nous, Mickey. Pauvre. Papy, il a ramené ses couches depuis la remise, parce qu'il a ramené ses couches dans la cuisine. Non, il enlève celle-là. Ouais. Ah, il enlève celle-là. Bah oui, parce que elle était toute fraîche. ou toute chaude, je sais pas comment on dit. Alors, le gamin, il attend tranquillement son supplice. Le gamin qui est microphobe, on peut dire ça. Microbe-phobe. Et qui est complètement paralysé. Et comme il l'expliquait avant, c'est, il a été paralysé lors d'un match de foot. Il croit que c'est pour ça que son papa est parti. Et là, on retrouve cette paralysie. Il bouge pas, en fait. Il fait rien. Enfin, moi, il y a mon grand-père fou qui arrive avec une couche de caca. Je cours. Il est tétanisé, effectivement. Et il va se laisser tartiner la joue de merde. Caca. Quoi, c'est voilà. Caca, ouais, c'est vrai. Pendant ce temps-là, mamie, elle gratte sous le lit comme une dingo dans une chambre toute lumière éteinte. Hein. Mais surtout, la grand-mère, bah, elle a pas vision nocturne. Enfin, tu vois, elle ne voit rien. Et surtout, moi, cette scène, elle m'a pas fait trop peur parce que je me suis dit, mais attends, mais tu lui casses les poignets en deux secondes. Ouais, genre, elle met sa main, tu lui prends crac et c'est fini. Je peux dire que mamie, elle chiale sous le lit. Quoi. Finalement, c'est un peu ce qu'elle fait à la fin. Enfin, elle lui en plus, c'est ce qu'elle va faire. Elle lui plante le bout du miroir. Et après, j'ai pas compris comment elle cassait la serrure avec sa caméra sans casser la caméra. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est des caméras super résistantes. On est aux States, je le rappelle. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour papy? Il va se faire un peu chipoter. Ouais. Ouais. Il va se faire défoncer la tête par le gamin. Et il va lui coincer la tête dans le réfrigérateur. Mmh. Ah oui. Et ça, c'est drôle parce qu'après, dans le rap de la fin, à un moment, il fait une allusion à Mel Gibson. Je ne sais pas si vous avez capté Tyler dans le rap de la fin en disant qu'il a survécu comme Mel Gibson. Mais c'est parce qu'en fait, dans L'Arme Fatale 2, Mel Gibson, il tue un méchant de la même façon avec une portière de voiture. Par contre, il se prend pas de tarte au caca, je crois. Et en fait, et à la fin, voilà. Ils retrouvent leur maman. C'est les retrouvailles avec la mère qui les prend dans les bras et qui dit Tyler, tu sens un peu le caca. Elle arrive après la bataille. Hein. Ouais. Enfin, elle arrive quand même. C'est un peu comme... c'est très synchro, quoi. Ouais. Il le tue, hop, et la police arrive avec la mère. C'est un peu Commodus, quoi. Merde, la bataille de 18 ans est terminée. Et alors, à la fin, on a le droit, effectivement, à la bonus track, le rap que j'aurais vraiment préféré ne pas voir. Attends, mais d'ailleurs, on a le montage de la mère qui explique pourquoi elle était partie, ce qui s'était passé quand elle était partie. D'ailleurs très nul. Et en fait, elle dit qu'elle a frappé sa mère en partant. Oui. Et c'était ça le gros secret que sa mère voulait pas leur dire, quoi. Bon, alors... Ça va, qui n'a pas frappé sa mère. Bon, un dernier avis sur ce film. Non. La merde. C'était notre avis sur ce film de merde. C'est l'heure d'un second avis. Vous êtes dur. Non, allez. C'était notre avis sur... comment c'est ? Ce film. La visite. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors j'ai 4 commentaires, j'ai du 5 étoiles et du 0 étoile aussi. On commence avec un 0 étoile qui nous dit, bon, c'est Paul Hernandez, hein. Pas terrible. Ce film n'est pas du tout celui auquel on peut s'attendre, hein. C'est un genre inconnu, décevant, mais achetez-le, 0 étoile. Le bâtard, c'est nul, mais achetez-le. Ensuite, on a El Chupa Cabron. C'est vrai, ouais. El Chupa Cabron, néné. T'as l'air à l'aise avec cet accent, continue. Non, je le fais très mal. C'est là, mais titillé depuis pas mal d'états, mais là, je vais arrêter là. Ça fait rire que nous, donc oui. Mais là, juste après Agent Très Secret, Code Uncle et Maryland, je me suis décidé et créé mon compte Allociné. Le compte Allociné, El Chupa Cabron. Trop, c'est trop. Je vais piétiner des bouts cinématographiques à tout va. Et tant pis si je me salis mes grolles. Fallait pas réveiller la bête. La bête, c'est El Chupa Cabron. Muni de mon pass, je bouffe du film comme Sacha Grey bouffe de... Comme pardon, mauvais exemple. Ne dis pas que tu connais pas Sacha Grey, Greg. Mais bouffe quoi? Ah, j'avais pas compris, bah, ça. Il dit, muni de mon pass, je bouffe du film comme Sacha Grey bouffe de... Ah, bouffe génial. De... Ouais, bah Chupa Cabron. Merci, Chupa Cabron. Pardon, mauvais exemple, oui, heureusement. Let's go. N'allez pas voir The Visit. Le Night Shyamalan des débuts est mort. Il faut lui enlever sa caméra. Ce film est une daube infâme. Ne gaspillez pas votre argent par pitié. Signé El Chupa Cabron. 5 étoiles. Ensuite, on a. Cinco estrellas. Justicien Pibrac. Justicien. Tu nous as pris le top du top là. Justinien Pibrac. Tu nous as choisi avec le nom. Justinien Pibrac. Justicien. C'est un justicien masqué. Alors, un long film comme un jour sans pas. Ah oui, alors lui c'est marrant parce que c'est Gérard, adjectif compliqué. Des invraisemblances, rien de novateur mais que du très conventionnel pour susciter le sursaut et la peur. Des personnages d'ados insupportables, l'une toujours plongée dans ses logorées pseudopsies et l'autre horripilant avec ses raps vulgaires et bas de gamme. Des grands-parents qui sonnent faux. Sans du tout être effrayant, je ne rangerai d'ailleurs pas ce film dans la catégorie film d'horreur, mais film soporifique. Ooh. Arrive péniblement la 78e minute qui me tire de ma léthargie. Enfin, quelque chose se passe. Enfin, je ressens quelque attachement et crainte pour ces enfants. Pour peu de temps, la musique sirupeuse accompagnant l'arrivée des secours m'achève. On ne m'ôtera pas de l'idée que si le réalisateur n'était pas Shyamalan, ce film aurait été éreinté par la critique. À juste titre, 5 étoiles. Et on finit avec Gilbert K, bon, qui est une personne âgée, hein, faut pas se moquer, qui lui dit « Nous pénétrons dans la salle du pâté, et là, voyons des marmottes d'adolescents installés avec force fou rire, les smartphones allumés et pop-corn géants !» pas ça les pop-corns non plus, mamie. Géant. De pré-ado aussi. Eut égard à notre âge de retraité, je les nomme enfants. Ce public s'exprimant plutôt sur d'autres supports qu'à nos idées, c'est une des explications à main de la note moyenne obtenue ici. Car ce chef-d'œuvre du maître Shyamalan, le film a l'air désordonné, mais c'est tout le contraire. Réalisé et monté au micron près. Le jeu d'acteur est extraordinaire. Les comédiens US, US. Ça casse la tête cette voix. Je vais continuer comme ça, Greg, t'inquiète pas. Les comédiens US fournissent un vrai boulot quand ils jouent. Ils y croient et on y croit. L'histoire, les dialogues, l'humour, le frisson sans le gore. La scène du jeudi à C'est une anthologie. Ah oui, c'est forcément un fan de Yatsé, Gilbert Kahn, 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres et celui d'un vieux dégoûté. Mais en fait, il me fait un peu penser au vieux dans le film. Hein. Il doit avoir des syndromes de folie chronique, chronologique, nocturne, météorologique et crépusculaire. Et celui des autres. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant, nous allons tirer 2 films au sac poubelle. Je commence ? Oui, alors pendant que vous tirez les films, j'explique rapidement comment mettre un film au sac poubelle. Vous nous laissez un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le nom du film, un petit mot gentil. Et avec de la chance, on parlera sans doute de votre film. Oh, on va avoir droit à Vercingétorix de Taoma. Voilà. Waouh, ah, ça fait méga chier ça. Et je l'ai pas vu, hein, mais je sens que c'est puissant. Qui joue Vercingétorix ? Clovis Cornillac ? Non, Lambert. Ah, c'est Lambert, oh putain. Ouais. Non, non, c'est j'espère genre, que je vais tirer quelque chose. Enfin, tu vois, si Highlander t'as pas aimé, Vercingétorix, ça a pas. Et on est tombé sur G.I. Joe, le réveil du cobra. Oh putain! Mais non! Lui il a été en haut, deux chefs-d'œuvre! Un beau tirage! G.I. Joe, ouais. Yes! Vercingétorix, G.I. Joe, je crois qu'on a rarement fait 2 films aussi pourris en un tirage, quoi. Bon, ils auront le mérite d'être courts, j'espère, au moins. Je suis pas sûr pour Vercingétorix. Ah, tu vas pas faire un film de 3 heures sur G.I. Joe, quoi. L'épopée G.I. Joe. Bon bah quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler avec grand plaisir de Vercingétorix. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.